Section 42. De Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 13e. Suite. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, 17 février 1829. Monsieur le Comte, j'ignore s'il plaira au roi d'envoyer un ambassadeur extraordinaire à Rome ou s'il lui conviendra de m'accréditer auprès du Sacré Collège. Dans ce dernier cas, j'aurai l'honneur de vous faire observer que j'allouais à M. le Duc de Laval, pour frais de service extraordinaire en pareille circonstance, en 1823, une somme qui s'élevait autant que je m'en puis souvenir de 40 à 50 000 francs. L'ambassadeur d'Autriche, M. le Comte d'Apponi, reçut d'abord de sa cour une somme de 36 000 francs pour les premiers besoins, un supplément de 7200 francs par mois à son traitement ordinaire pendant la durée du conclave et pour frais de cadeaux, chancellerie, etc., 10 000 francs. Je n'ai point, monsieur le comte, la prétention de lutter de magnificence avec monsieur l'ambassadeur d'Autriche, comme le fit monsieur le duc de Laval. Je ne louerai ni chevaux, ni voitures, ni livrées pour éblouir la populace de Rome. Le roi de France est un assez grand seigneur pour payer la pompe de ses ambassadeurs, s'il en veut une. Magnificence d'emprunt, ces misères, j'irai donc modestement au conclave avec mes gens et mes voitures ordinaires. Reste seulement à savoir si Sa Majesté ne pensera pas que pendant la durée du conclave, je serai obligé à une représentation à laquelle mon traitement ordinaire ne pourra suffire. Je ne demande rien, je soumets simplement une question à votre jugement et à la décision royale. J'ai l'honneur, etc. Rome, ce 19 février 1829. Monsieur le Comte, j'ai eu l'honneur d'être présenté hier au Sacré Collège et de prononcer le petit discours dont je vous ai d'avance envoyé copie dans ma dépêche numéro 17, partie mardi 17 de ce mois par un courrier extraordinaire. J'ai été écouté avec des marques de satisfaction du meilleur augure et le cardinal doyen, le vénérable Delia Somaglia, m'a répondu dans les termes les plus affectueux pour le roi et pour la France. Vous ayant tout mandé dans ma dernière dépêche, je n'ai absolument rien de nouveau à vous dire aujourd'hui, sinon que le cardinal Bussy est arrivé hier de Bénévent. On attend aujourd'hui les cardinaux Albani, Macchi et Opizzoni. Les membres du Sacré Collège s'enfermeront au palais Quirinal lundi soir, 23 de ce mois. 10 jours s'écouleront ensuite pour attendre les cardinaux étrangers, après quoi les opérations sérieuses du conclave commenceront, et si l'on s'entendait tout d'abord, le pape pourrait être élu dans la première semaine de carême. J'attends, monsieur le comte, les ordres du roi. Je suppose que vous m'avez expédié un courrier après l'arrivée de monsieur de Montebello à Paris. Il est urgent que je reçoive ou l'annonce d'un ambassadeur extraordinaire ou mes nouvelles lettres de créance avec les instructions du gouvernement. Mes 5 cardinaux français viendront-ils? Politiquement parlant, leur présence est ici fort peu nécessaire. J'ai écrit à Monseigneur le cardinal de Latil pour lui offrir mes services dans le cas où il se déterminerait à venir. J'ai l'honneur, etc. Post-scriptum, je joins ici la copie d'une lettre que m'a écrite Monsieur le comte de Funchal. Je n'ai point répondu par écrit à cet ambassadeur, je suis seulement allé causer avec lui. À Madame Récamier, Rome, lundi 23 février 1829. Hier, on finit les obsèques du pape. La pyramide de papier et les 4 candélabres étaient assez beaux parce qu'ils étaient d'une proportion immense et atteignaient à la corniche de l'église. Le dernier Dies Irae était admirable. Il est composé par un homme inconnu qui appartient à la chapelle du pape et qui me semble avoir un génie d'une toute autre espèce que Rossini. Aujourd'hui, nous passons de la tristesse à la joie. Nous chantons le Veni Creator pour l'ouverture du conclave. Puis nous irons voir chaque soir si les scrutins sont brûlés, si la fumée sort d'un certain poêle. Le jour où il n'y aura pas de fumée, le pape sera nommé et j'irai vous retrouver. Voilà tout le fond de mon affaire. Le discours du roi d'Angleterre est bien insolent pour la France. Quelle déplorable expédition que cette expédition de Morée. Commence-t-on à le sentir? Le général Guilleminot m'a écrit une lettre à ce sujet qui me fait rire. Il n'a pu m'écrire ainsi que parce qu'il me présumait ministre. 25 février. La mort est ici. Torlonia est parti hier au soir après 2 jours de maladie. Je l'ai vu tout peinturé sur son lit funèbre, l'épée au côté. Il prêtait sur gage, mais quel gage ? Sur des antiques, sur des tableaux renfermés pêle-mêle dans un vieux palais poudreux. Ce n'est pas là le magasin où l'avare serrait un luth de Bologne, garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut, la peau d'un lézard de 3 pieds et le lit de 4 pieds à bandes de point de Hongrie. On ne voit que des défunts que l'on promène habillés dans les rues. Il en passe un régulièrement sous mes fenêtres quand nous nous mettons à table pour dîner. Au surplus, tout annonce la séparation du printemps. On commence à se disperser. On part pour Naples. On reviendra un moment pour la Semaine Sainte et puis on se quittera pour toujours. L'année prochaine, ce seront d'autres voyageurs, d'autres visages, une autre société. Il y a quelque chose de triste dans cette course sur des ruines. Les Romains sont comme les débris de leur ville. Le monde passe à leurs pieds. Je me figure ces personnes rentrant dans leur famille, dans les diverses contrées de l'Europe, ces jeunes misses retournant au milieu de leur brouillard. Si par hasard, dans 30 ans d'ici, quelqu'une d'entre elles est ramenée en Italie, qui se souviendra de l'avoir vue dans les palais dont les maîtres ne seront plus Saint-Pierre et le Colisée ? Voilà tout ce qu'elle-même reconnaîtrait. Dépêche à M. le comte Portalis. Rome, ce 3 mars 1829. Monsieur le comte, mon premier courrier étant arrivé à Lyon le 14 du mois dernier, à 9 heures du soir, vous avez pu apprendre le 15 au matin par le télégraphe la mort du pape. Nous sommes aujourd'hui au 3 de mars et je suis encore sans instruction et sans réponse officielle. Les journaux ont annoncé le départ de 2 ou 3 cardinaux. J'avais écrit à Paris à M. le cardinal de Latil pour mettre à sa disposition le palais de l'ambassade. Je viens de lui écrire encore à divers points de sa route pour lui renouveler mes offres. Je suis fâché d'être obligé de vous dire, M. le comte, que je remarque ici de petites intrigues pour éloigner nos cardinaux de l'ambassade, pour les loger là où ils pourraient être placés plus à la portée des influences que l'on espère exercer sur eux. En ce qui me concerne, cela m'est fort indifférent. Je rendrai à messieurs les cardinaux tous les services qui dépendront de moi. S'ils m'interrogent sur des choses qu'il sera bon de connaître, je leur dirai ce que je sais. Si vous me transmettez pour eux les ordres du roi, je leur en ferai part. Mais s'ils arrivaient ici dans un esprit hostile au vu du gouvernement de Sa Majesté, si l'on s'apercevait qu'ils ne marchent pas d'accord avec l'ambassadeur du roi, s'ils tenaient un langage contraire au mien, s'ils allaient jusqu'à donner leur voix dans le conclave à quelque homme exagéré, s'ils étaient même divisés entre eux, rien ne serait plus funeste. Mieux vaudrait pour le service du roi que je donnasse à l'instant ma démission que d'offrir ce spectacle public de nos discordes. L'Autriche et l'Espagne ont par rapport à leur clergé une conduite qui ne laisse rien à l'intrigue. Tout prêtre, tout cardinal, ou évêque autrichien ou espagnol, ne peut avoir pour agent et pour correspondant à Rome que l'ambassadeur même de sa cour. Celui-ci a le droit d'écarter à l'instant de Rome tout ecclésiastique de sa nation qui lui ferait obstacle. J'espère, monsieur le comte, qu'aucune division n'aura lieu, que messieurs les cardinaux auront l'ordre formel de se soumettre aux instructions que je ne tarderai pas à recevoir de vous. Que je saurai celui d'entre eux qui sera chargé d'exercer l'exclusion en cas de besoin, et quelle tête cette exclusion doit frapper. Il est bien nécessaire de se tenir en garde. Les derniers scrutins ont annoncé le réveil d'un parti. Ce parti, qui a donné de 20 à 21 voix aux cardinaux Delia Marmora et Pedicini, forme ce qu'on appelle ici la faction de Sardaigne. Les autres cardinaux effrayés veulent porter tout leur suffrage sur Opizzoni, homme ferme et modéré à la fois. Quoique autrichien, c'est-à-dire milanais, il a tenu tête à l'Autriche à Bologne. Ce serait un excellent choix. Les voix des cardinaux français pourraient, en se fixant sur l'un ou l'autre candidat, décider l'élection. À tort ou à raison, on croit ces cardinaux ennemis du système actuel du gouvernement du roi, et la faction de Sardaigne compte sur eux. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier. Rome, le 3 mars 1829. Vous me surprenez sur l'histoire de ma fouille. Je ne me souvenais pas de vous avoir écrit rien de si bien à ce propos. Je suis, comme vous le pensez, fortement occupé. Laissé sans direction et sans instruction, je suis obligé de prendre tout sur moi. Je crois cependant que je puis vous promettre un pape modéré et éclairé. Dieu veuille seulement qu'il soit fait à l'expiration de l'intérim du ministère de M. Portalis. 4 mars. Hier, mercredi des cendres, J'étais à genoux, seul, dans cette église de Santa Croce, appuyée sur les murailles de Rome, près de la porte de Naples. J'entendais le chant monotone et lugubre des religieux dans l'intérieur de cette solitude. J'aurais voulu être aussi sous un froc, chantant parmi ces débris. Quel lieu pour mettre en paix l'ambition et contempler les vanités de la terre ! Je ne vous parle pas de ma santé, parce que cela est extrêmement ennuyeux. Tandis que je souffre, on me dit que M. de la Ferronnays se guérit. Il fait des courses à cheval, et sa convalescence passe dans le pays pour un miracle. Dieu veuille qu'il en soit ainsi, et qu'il reprenne le portefeuille au bout de l'intérim. Que de questions cela trancherait pour moi. Dépêche à M. le comte Portalis. Dimanche, ce 15 mars 1829. Monsieur le comte, j'ai eu l'honneur de vous instruire de l'arrivée successive de messieurs les cardinaux français. Trois d'entre eux, messieurs de Latil, de la Fare et de Croix, m'ont fait l'honneur de descendre chez moi. Le premier est entré au conclave, jeudi soir, 12, avec monsieur le cardinal Isoard. Les deux autres s'y sont renfermés vendredi soir, 13. Je leur ai fait part de tout ce que je savais. Je leur ai communiqué des notes importantes sur la minorité et la majorité du conclave, sur les sentiments dont les différents partis sont animés. Nous sommes convenus qu'ils porteraient les candidats dont je vous ai déjà parlé, savoir les cardinaux Capelliari, Opizzoni, Benvenuti, Zurla, Castiglioni, enfin Paca et Degro Guerrio. Qu'ils repousseraient les cardinaux de la faction sarde, Pedicini, Giustiniani, Galeffi et Cristaldi. J'espère que cette bonne intelligence entre les ambassadeurs et les cardinaux aura le meilleur effet. Du moins, n'aurais-je rien à me reprocher si des passions ou des intérêts venaient à tromper mes espérances. J'ai découvert, monsieur le comte, de méprisables et dangereuses intrigues entretenues de Paris à Rome par le canal de monsieur le nonce Lambruschini. Il ne s'agissait rien moins que de faire lire en plein conclave la copie de prétendues instructions secrètes divisées en plusieurs articles et donné, assurait-on ou impudemment, à M. le cardinal de Latil. La majorité du conclave s'est prononcée fortement contre de pareilles machinations. Elle aurait voulu qu'on écrivît au nonce de rompre toute espèce de relation avec ces hommes de discorde qui, en troublant la France, finiraient par rendre la religion catholique odieuse à tous. Je fais, monsieur le comte, un recueil de ces révélations authentiques, et je vous l'enverrai après la nomination du pape. Cela vaudra mieux que toutes les dépêches du monde. Le roi apprendra à connaître ses amis et ses ennemis, et le gouvernement pourra s'appuyer sur des faits propres à le diriger dans sa marche. Votre dépêche numéro 14 me donna avis des empiétements que le nonce de sa sainteté a voulu renouveler en France au sujet de la mort de Léon XII. La même chose étant déjà arrivée lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères à la mort de Pie VII. Heureusement, on a toujours les moyens de se défendre contre ces attaques publiques. Il est bien plus difficile d'échapper aux trames ourdies dans l'ombre. Les conclavistes qui accompagnent nos cardinaux m'ont paru des hommes raisonnables. Le seul abbé Coudrin, dont vous m'avez parlé, est un de ces esprits compacts et rétrécis dans lesquels rien ne peut entrer, un de ces hommes qui se sont trompés de profession. Vous n'ignorez pas qu'il est moine, chef d'ordre, et qu'il a même des bulles d'institution. Cela ne s'accorde guère avec nos lois civiles et nos institutions politiques. Il se pourrait faire que le pape fût élu à la fin de cette semaine, mais si les cardinaux français manquent le premier effet de leur présence, il deviendra impossible d'assigner un terme au conclave. De nouvelles combinaisons amèneraient peut-être une nomination inattendue. On s'arrangerait, pour en finir, de quelques cardinaux insignifiants tels que Dandini. Je me suis jadis, monsieur le comte, trouvé dans des circonstances difficiles, soit comme ambassadeur à Londres, soit comme ministre pendant la guerre d'Espagne, soit comme membre de la Chambre des Pairs, soit comme chef de l'opposition. Mais rien ne m'a donné autant d'inquiétudes et de soucis que ma position actuelle au milieu de tous les genres d'intrigues. Il faut que j'agisse sur un corps invisible, renfermé dans une prison, dont les abords sont strictement gardés. Je n'ai ni argent à donner, ni places à promettre. Les passions caduques d'une cinquantaine de vieillards ne m'offrent aucune prise sur elles. J'ai à combattre la bêtise dans les uns, l'ignorance du siècle dans les autres. Le fanatisme dans ceux-ci, l'astuce et la duplicité dans cela. Dans presque tous, l'ambition, les intérêts, les haines politiques. Et je suis séparé par des murs et par des mystères de l'Assemblée où fermentent tant d'éléments de division. À chaque instant, la scène varie. Tous les quarts d'heure, des rapports contradictoires me plongent dans de nouvelles perplexités. Ce n'est pas, monsieur le comte, pour me faire valoir que je vous entretiens de ces difficultés, mais pour me servir d'excuse dans le cas où l'élection produirait un pas contraire à ce qu'elle semble promettre et à la nature de vos vœux. À la mort de Pie VII, les questions religieuses n'avaient point encore agité l'opinion. Ces questions sont venues aujourd'hui se mêler à la politique, et jamais l'élection du chef de l'Église ne pouvait tomber plus mal à propos. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier, Rome, 17 mars 1829. Le roi de Bavière est venu me voir en frac. Nous avons parlé de vous. Ce souverain grec, en portant une couronne, semble savoir ce qu'il a sur la tête, et comprendre qu'on ne cloue pas le temps au passé. Il dîne chez moi, jeudi, et ne veut personne. Au reste, nous voilà au milieu de grands événements. Un pape à faire, que sera-t-il? L'émancipation des catholiques passera-t-elle? Une nouvelle campagne en Orient, de quel côté sera la victoire? Profiterons-nous de cette position? Qui conduira nos affaires? Y a-t-il une tête capable d'apercevoir tout ce qui se trouve là-dedans pour la France, et d'en profiter selon les événements? Je suis persuadé qu'on n'y pense seulement pas à Paris, et qu'entre les salons et les chambres, les plaisirs et les lois, les joies du monde et les inquiétudes ministérielles, on se soucie de l'Europe comme de rien du tout. Il n'y a que moi qui, dans mon exil, ai le temps de songer creux et de regarder autour de moi. Hier, je suis allé me promener par une espèce de tempête sur l'ancien chemin de Tivoli. Je suis arrivé à l'ancien pavé romain, si bien conservé qu'on croirait qu'il a été posé nouvellement. Horace avait pourtant foulé les pierres que je foulais. Où est Horace ? Le marquis Caponi, arrivant de Florence, m'apporta des lettres de recommandation de ses amis de Paris. Je répondis à l'une de ces lettres le 21 mars 1829. J'ai reçu vos lettres, les services que je puis rendre ne sont rien, mais je suis tout à vos ordres. Je n'en étais pas à savoir ce que c'était que le marquis Caponi. Je vous annonce qu'il est toujours beau, il a tenu bon contre le temps. Je n'ai point répondu à votre première lettre, toute pleine d'enthousiasme pour le sublime Mahmoud et pour la barbarie disciplinée, pour ses esclaves bâtonnés en soldats. Que les femmes soient transportées d'admiration pour les hommes qui en épousent à la fois des centaines, qu'elles prennent cela pour le progrès des lumières et de la civilisation, je le conçois. Mais moi, je tiens à mes pauvres Grecs. Je veux leur liberté, comme celle de la France. Je veux aussi des frontières qui couvrent Paris, qui assure notre indépendance, et ce n'est pas avec la triple alliance du pal de Constantinople, de la Schlag de Vienne et des coups de poing de Londres que vous aurez la rive du Rhin. Grand merci de la pelisse d'honneur que notre gloire pourrait obtenir de l'invincible chef des croyants, lequel n'est pas encore sorti des faubourgs de son sérail. J'aime mieux cette gloire toute nue, elle est femme et belle. Phidias se serait bien gardé de lui mettre une robe de chambre turque. À Madame Récamier, Rome, le 21 mars 1829. Eh bien, j'ai raison contre vous. Je suis allé hier entre deux scrutins et en attendant un pape à Saint-Onufre. Ce sont bien deux orangers qui sont dans le cloître et point un chêne vert. Je suis tout fier de cette fidélité de ma mémoire. J'ai couru presque les yeux fermés à la petite pierre qui recouvre votre ami. Je l'aime mieux que le grand tombeau qu'on va lui élever. Quelle charmante solitude, quelle admirable vue, quel bonheur de reposer là, entre les fresques du Dominicain et celles de Léonard de Vinci. Je voudrais y être, je n'ai jamais été plus tentée. Vous a-t-on laissé entrer dans l'intérieur du couvent? Avez-vous vu, dans un long corridor, cette tête ravissante, quoique à moitié effacée, d'une madone de Léonard de Vinci? Avez-vous vu dans la bibliothèque le masque du Tasse, sa couronne de laurier flétrie, un miroir dont il se servait, son écritoire, sa plume et la lettre écrite de sa main collée sur une planche qui pend au bas de son buste. Dans cette lettre d'une petite écriture raturée, mais facile à lire, il parle d'amitié et du vent de la fortune. Celui-là n'avait guère soufflé pour lui et l'amitié lui avait souvent manqué. Point de pape encore, nous l'attendons d'heure en heure, mais si le choix était retardé, si des obstacles se sont élevés de toutes parts, ce n'est pas ma faute. Il aurait fallu m'écouter un peu davantage et ne pas agir tout juste en sens contraire de ce qu'on paraissait décider. Au reste, à présent, Il me semble que tout le monde veut être en paix avec moi. Le cardinal de Clermont-Tonnerre lui-même vient de m'écrire qu'il réclame mes anciennes bontés pour lui, et après tout cela, il descend chez moi, résolu à voter pour le pape le plus modéré. Vous avez lu mon second discours. Remerciez M. Kératry, qui a parlé si obligeamment du premier. J'espère qu'il sera encore plus content de l'autre. Nous tâcherons tous les deux de rendre la liberté chrétienne. Et nous y parviendrons. Que dites-vous de la réponse que le cardinal Castiglioni m'a faite ? Suis-je assez loué en plein conclave ? Vous n'auriez pas mieux dit dans vos jours de gâterie. 24 mars 1829. Si j'en croyais les bruits de Rome, nous aurions un pape demain. Mais je suis dans un moment de découragement, et je ne veux pas croire à un tel bonheur. Vous comprenez bien que ce bonheur n'est pas le bonheur politique, la joie d'un triomphe, mais le bonheur d'être libre et de vous retrouver. Quand je vous parle tant de conclave, je suis comme les gens qui ont une idée fixe et qui croient que le monde n'est occupé que de cette idée. Et pourtant, à Paris, qui pense au conclave ? Qui s'occupe d'un pape et de mes tribulations ? La légèreté française, les intérêts du moment, les discussions des chambres, les ambitions émues ont bien autre chose à faire. Lorsque le duc de Laval m'écrivait aussi ses soucis sur son conclave, tout préoccupé de la guerre d'Espagne que j'étais, je disais en recevant ses dépêches « Eh, bon Dieu, il s'agit bien de cela !» M. Portalis doit aujourd'hui me faire subir la peine du talion. Il est vrai de dire cependant que les choses à cette époque n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les idées religieuses n'étaient pas mêlées aux idées politiques, comme elles le sont dans toute l'Europe. La querelle n'était pas là. La nomination d'un pape ne pouvait pas, comme à cette heure, troubler ou calmer les États. Depuis la lettre qui m'annonçait la prolongation du congé de M. de La Ferronnays et son départ pour Rome, je n'ai rien appris. Je crois pourtant cette nouvelle vraie. M. Thierry m'a écrit d'hier une lettre touchante. Il dit qu'il se meurt, et pourtant il veut une place à l'Académie des inscriptions, et me demande d'écrire pour lui. Je vais le faire. Ma fouille continue à me donner des sarcophages. La mort ne peut fournir que ce qu'elle a. Le monument du Poussin avance. Il sera noble et grand. Vous ne sauriez croire combien le tableau des bergers d'Arcadie était fait pour un bas-relief et convient à la sculpture. 28 mars. Monsieur le cardinal de Clermont-Tonnerre, descendu chez moi, entre aujourd'hui au conclave. C'est le siècle des merveilles. J'ai auprès de moi le fils du maréchal Lannes et le petit-fils du chancelier. Messieurs du constitutionnel dînent à ma table auprès de messieurs de la quotidienne. Voilà l'avantage d'être sincère. Je laisse chacun penser ce qu'il veut, pourvu qu'on m'accorde la même liberté. Je tâche seulement que mon opinion ait la majorité, parce que je la trouve comme de raison meilleure que les autres. C'est à cette sincérité que j'attribue le penchant qu'ont les opinions les plus divergentes à se rapprocher de moi. J'exerce envers elles le droit d'asile. On ne peut les saisir sous mon toit. À Monsieur le Duc de Blacas, Rome, 24 mars 1829. Je suis bien fâché, Monsieur le Duc, qu'une phrase de ma lettre ait pu vous causer quelque inquiétude. Je n'ai point du tout à me plaindre d'un homme de sens et d'esprit, M. Fuscaldo, qui ne m'a dit que des lieux communs de diplomatie. Nous autres ambassadeurs, disons-nous autre chose ? Quant au cardinal, dont vous me faites l'honneur de me parler, le gouvernement français n'a désigné particulièrement personne. Il s'en est entièrement rapporté à ce que je lui ai mandé. 7 ou 8 cardinaux modérés et pacifiques, qui semblent attirer également les vœux de toutes les cours, sont les candidats entre lesquels nous désirons voir se fixer les suffrages. Mais si nous n'avons pas la prétention d'imposer un choix à la majorité du conclave, nous repoussons de toutes nos forces et par tous les moyens 3 ou 4 cardinaux fanatiques, intrigants ou incapables, que porte la minorité. Je n'ai, monsieur le duc, aucun moyen possible de vous faire passer cette lettre. Je la mets donc tout simplement à la poste, parce qu'elle ne renferme rien que vous et moi ne puissions avouer tout haut. J'ai l'honneur, etc. À Madame Récamier. Rome, le 31 mars 1829. Monsieur de Montebello est arrivé et m'a apporté votre lettre avec une lettre de Monsieur Bertin et de Monsieur Villemain. Mes fouilles vont bien, je trouve force sarcophages vides. J'en pourrais choisir un pour moi, sans que ma poussière soit obligée de chasser celle de ces vieux morts que le vent a déjà emportés. les sépulcres dépeuplés offrent le spectacle d'une résurrection, et pourtant ils n'attendent qu'une mort plus profonde. Ce n'est pas la vie, c'est le néant qui a rendu ces tombes désertes. Pour achever mon petit journal du moment, je vous dirai que je suis monté avant-hier à la boule de Saint-Pierre pendant une tempête. Vous ne sauriez vous figurer ce que c'était que le bruit du vent au milieu du ciel, autour de cette coupole de Michel-Ange et au-dessus de ce temple des chrétiens qui écrase la vieille Rome. 31 mars, au soir. Victoire. J'ai un des papes que j'avais mis sur ma liste. C'est Castiglioni, le cardinal même que je portais à la papauté en 1823, lorsque j'étais ministre, celui qui m'a répondu dernièrement au conclave en me donnant force louange. Castiglioni est modéré et dévoué à la France. C'est un triomphe complet. Le conclave, avant de se séparer, a ordonné d'écrire au nonce à Paris pour lui dire d'exprimer au roi la satisfaction que le sacré collège a éprouvée de ma conduite. J'ai déjà expédié cette nouvelle à Paris par le télégraphe. Le préfet du Rhône est l'intermédiaire de cette correspondance aérienne. Et ce préfet est M. de Brosse, fils de ce comte de Brosse, le léger voyageur à Rome, souvent cité dans les notes que je rassemble en vous écrivant. Le courrier qui vous porte cette lettre porte ma dépêche à M. Portalis. Je n'ai plus deux jours de suite de bonne santé. Cela me fait enrager, car je n'ai cœur à rien au milieu de mes souffrances. J'attends pourtant avec quelque impatience ce qui résultera à Paris de la nomination de mon pape, ce qu'on dira, ce qu'on fera, ce que je deviendrai. Le plus sûr, c'est le congé demandé. J'ai vu par les journaux la grande querelle du constitutionnel sur mon discours. Il accuse le messager de ne l'avoir pas imprimé. Et nous avons à Rome des messagers du 22 mars, la querelle est du 24 et 25, qui ont le discours. N'est-ce pas singulier ? Il paraît clair qu'il y a eu deux éditions, l'une pour Rome et l'autre pour Paris. Pauvres gens, je pense au mécompte d'un autre journal. Il assure que le conclave aura été très mécontent de ce discours. Qu'aura-t-il dit quand il aura vu les éloges que me donne le cardinal Castiglioni, qui est devenu pape ? Quand cesserai-je de vous parler de toutes ces misères ? Quand ne m'occuperai-je plus que d'achever les mémoires de ma vie, et ma vie aussi, comme dernière page de mes mémoires ? J'en ai bien besoin. Je suis bien là. Le poids des jours augmente et se fait sentir sur ma tête. Je m'amuse à l'appeler un rhumatisme, mais on ne guérit pas de celui-là. Un seul mot me soutient quand je le répète. À bientôt. 3 avril. J'oubliais de vous dire que le cardinal Fesch, s'étant très bien conduit dans le conclave, ayant voté avec nos cardinaux, j'ai franchi le pas et je l'ai invité à dîner. Il a refusé par un billet plein de mesures. Dépêche de M. le comte Portalis. Rome, ce 2 avril 1829. Monsieur le comte, le cardinal Albani a été nommé secrétaire d'État, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le mander dans ma première lettre portée à Lyon par le courrier à cheval, expédié le 31 mars au soir. Le nouveau ministre ne plaît ni à la faction sarde, ni à la majorité du Sacré Collège, ni même à l'Autriche, parce qu'il est violent, anti-jésuite, rude dans son abord et italien avant tout. Riche et excessivement avare, le cardinal Albani se trouve mêlé dans toutes sortes d'entreprises et de spéculations. J'allais hier lui faire ma première visite. Aussitôt qu'il m'aperçut, il s'écria « Je suis un cochon ». Il était en effet fort sale. Vous verrez que je ne suis pas un ennemi. Je vous rapporte, monsieur le comte, ses propres paroles. Je lui répondis que j'étais bien loin de le regarder comme un ennemi. « À vous autres, reprit-il, il faut de l'eau et non pas du feu. Ne connais-je pas votre pays ? N'ai-je pas vécu en France ?» Il parle français comme un français. « Vous serez content, et votre maître aussi. Comment se porte le roi ? Bonjour, allons à Saint-Pierre. » Il était 8 heures du matin. J'avais déjà vu sa sainteté, et tout Rome courait à la cérémonie de l'adoration. Le cardinal Albani est un homme d'esprit, faux par caractère et franc par humeur. Sa violence déjoue sa ruse. On peut en tirer parti en flattant son orgueil et en satisfaisant son avarice. Pie VIII est très savant, surtout en matière de théologie. Il parle français, mais avec moins de facilité et de grâce que Léon XII. Il est attaqué sur le côté droit d'une demi-paralysie et sujet à des mouvements convulsifs. La suprême puissance le guérira. Il sera couronné dimanche prochain, jour de la Passion, 5 avril. Maintenant, monsieur le comte, que la principale affaire qui me retenait à Rome est terminée, je vous serai infiniment obligé de m'obtenir de la bienveillance de sa majesté un congé de quelques mois. Je ne m'en servirai qu'après avoir remis au pape la lettre par laquelle le roi répondra à celle que Pie VIII lui a écrite ou va lui écrire pour lui annoncer son élévation sur la chaire de Saint-Pierre. Permettez-moi de solliciter de nouveau, en faveur de mes deux secrétaires de légation, M. Belloc et M. de Givray, les grâces que je vous ai demandées pour eux. Les intrigues du cardinal Albani dans le conclave, les partisans qu'il s'était acquis, même dans la majorité, m'avaient fait craindre quelque coup imprévu pour le porter au souverain pontificat. Il me paraissait impossible de se laisser ainsi surprendre et de permettre au chargé d'affaires de l'Autriche de ceindre la tiare sous les yeux de l'ambassadeur de France. Je profitai donc de l'arrivée de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre pour le charger à tout événement de la lettre ci-jointe dont je prenais les dispositions sous ma responsabilité. Heureusement, il n'a point été dans le cas de faire usage de cette lettre. Il me l'a rendue et j'ai l'honneur de vous l'envoyer. J'ai l'honneur, etc., etc. À son éminence, Monseigneur le cardinal de Clermont-Tonnerre. Rome, ce 28 mars 1829. Monseigneur, ne pouvant plus communiquer avec vos collègues, messieurs les cardinaux français, renfermés au palais de Monte Cavallio, étant obligé de tout prévoir pour l'avantage du service du roi et dans l'intérêt de notre pays, sachant combien de nominations inattendues ont eu lieu dans les conclaves, je me vois à regret dans la fâcheuse nécessité de confier à votre éminence une exclusion éventuelle. Bien que M. le cardinal Albani ne paraisse avoir aucune chance, il n'en est pas moins un homme de capacité sur lequel, dans une lutte prolongée, on pourrait jeter les yeux. Mais il est le cardinal chargé au conclave des instructions de l'Autriche. M. le comte de Lutzow, dans son discours, l'a déjà désigné officiellement en cette qualité. Or, il est impossible de laisser porter au souverain pontificat un cardinal appartenant ouvertement à une couronne, pas plus à la couronne de France qu'à tout autre. En conséquence, Monseigneur, je vous charge en vertu de mes pleins pouvoirs comme ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne et prenant sur moi seul toute la responsabilité de donner l'exclusion à M. le cardinal Albani si d'un côté par une rencontre fortuite et de l'autre par une combinaison secrète il venait à obtenir la majorité des suffrages. Je suis, etc., etc. Cette lettre d'exclusion confiée à un cardinal par un ambassadeur qui n'y est pas autorisé formellement, est une témérité en diplomatie. Il y a là de quoi faire frémir tous les hommes d'État à domicile, tous les chefs de division, tous les premiers commis, tous les copistes aux affaires étrangères. Mais puisque le ministre ignorait sa chose au point de ne pas même songer au cas éventuel d'exclusion, force m'était d'y songer pour lui. Supposez qu'Albani eût été nommé pape par aventure, que serais-je devenu ? J'aurais été à jamais perdu comme homme politique. Je me dis ceci non pour moi, qui me soucie peu du renom d'homme politique, mais pour la génération future des écrivains à qui on ferait du bruit de mon accident et qui expireraient mon malheur aux dépens de leur carrière, comme on donne le fouet aux menins quand M. le Dauphin a fait une sottise. Mais il ne faudrait pas trop non plus admirer ma prévoyante audace en prenant sur moi la lettre d'exclusion. Ce qui paraît une énormité, mesurée à la courte échelle des vieilles idées diplomatiques, n'était au fond rien du tout dans l'ordre actuel de la société. Cette audace me venait d'un côté de mon insensibilité pour toute disgrâce, de l'autre de ma connaissance des opinions de mon temps. Le monde tel qu'il est fait aujourd'hui ne donne pas deux sous de la nomination d'un pape, des rivalités des couronnes et des intrigues de l'intérieur d'un conclave. Fin de la section 42.